30 sur Couleur 3 et à Atlantis à Lausanne, c'est l'heure où les différents floors du festival changent de DJ. Au Métropole, Tonio passe les platines à Kraft et sur le floor électrochoc, alors que Jack de Marseille reprend sur un dance floor rampé et surchauffé par le Bernois d'Itron. À l'Amnesia, 3 floors pour ce dimanche soir, Tatana sur le plus grand, Octane et Full Moon sur le United House floor et sur le troisième, appelé Technics All Star, on retrouve Vortex, Miloche et Ralph, tout droit de Annecy. Vous écoutez D-Tron sur Couleur 3. Entre fêtes et découvertes, Atlantis en direct sur Couleur 3.

Jacques de Marseille a repris les platines au Métropole ici à Atlantis Lausanne. Un petit crochet par la Suisse pour ce Français qui tourne beaucoup en Europe. Jacques de Marseille joue particulièrement souvent en Hollande dans des clubs comme le Matzou, un club phare de la scène électronique de Amsterdam. Plus près de nous, il est aussi environ une fois par trimestre au club Witamix à Genève, club techno qui a aussi accueilli plusieurs fois Jeff Mills qui mixe tout à l'heure ici à Atlantis. Tout se rejoint, Jacques de Marseille sur la 3. En direct sur Couleur 3. En direct sur Couleur 3. Couleur 3.

Metropolis Party Atlantis, Jack de Marseille et son public qui siffle de joie de l'entendre marteler ses rythmes tech house sur le dance floor du Métropole. Jack de Marseille, un DJ qui a commencé comme tennisman avant de se reconvertir dans le sport du dance floor. Comme artiste, il a commencé comme DJ plutôt old style de discothèque de la Côte d'Azur. Il prend ensuite la direction d'une techno très très dure et industrielle. Depuis 2 ans maintenant, un nouveau Jack de Marseille est apparu. Beaucoup plus tech house, beaucoup plus groove, beaucoup plus percutant. Et c'est justement ce nouveau Jack de Marseille qu'on écoute en ce moment sur Couleur 3. Atlantis, en direct sur Couleur 3. En direct sur Couleur 3. 3. 3. En direct sur Couleur 3. 3.